Alors, bienvenue à ce deuxième épisode de podcast de Rotterdam. On est 7 h du matin, vendredi, et je suis sur le jet lag. Alors, je me suis réveillé vers 5 h du matin, incapable de me rendormir. Alors, je me suis levé comme ça au chant des oiseaux, j'étais allé me faire du café. Puis là, je commence à fatiguer. Fait que je vais bientôt aller me recoucher, je pense. Mais avant de faire ça, je vais vous faire entendre encore une fois ma super voix radiophonique. Puis vous expliquer un petit peu ma deuxième journée à Rotterdam. Donc, je vais pas vous faire comme ça un podcast à tous les jours, mais. Les premiers jours d'un voyage, c'est toujours un peu plus intense que le reste. Donc c'est ça, je vais vous entretenir un peu de ça aujourd'hui. Alors, c'est ça, hier, en gros, c'était ma première journée au Pietzwarteninstitut, donc, qui est un institut de formation, d'éducation, qui donne des maîtrises en fine arts, puis en design, en media design. Le cours que je suis, c'est ce qu'ils appellent un projet thématique. Donc, les étudiants de maîtrise là-bas ont 3 projets thématiques par année, un à chaque session. Et au cours de ces projets, de ces cours-là, l'institut invite un prof à venir donner un genre d'atelier, finalement, au cours duquel les étudiants sont appelés à produire un projet, un petit projet, et à écrire un essai sur ce travail-là. Il y a également, au cours de ces projets-là, un ensemble de lectures dirigées. Donc, très rapidement, hier, c'est ça, 11 h, je me suis pointé là-bas, puis j'ai rencontré un peu tout le monde. C'était super sympathique. Donc, la prof qui est invitée s'appelle Christina Andersen. C'est une Danoise qui est depuis longtemps immigrée en Hollande, qui vit à Amsterdam. Va donner donc le projet thématique tourne autour de la notion d'objet, donc de fabriquer des objets qui sont généralement low-tech, donc sont appelés à fonctionner d'eux-mêmes. L'idée, c'est de sortir un peu de l'idée de l'ordinateur perçu comme une machine universelle, puis se tourner vers des objets un peu plus simples. Donc, ça a l'air assez intéressant. Puis, c'est ça. Donc, dans l'atelier d'hier, on a passé l'après-midi à souder des petits circuits électroniques. Puis, c'est ça. J'ai rencontré tout le monde. Je donnerai pas les détails. On est à peu près. Il y a 8 autres étudiants dans la classe qui font tous leur maîtrise ensemble. Donc, ce sont tous des Européens ou presque. Il y a un gars qui vient de Mexico. Puis, les backgrounds sont assez diversifiés. Il y a des gens qui viennent des beaux-arts. Il y a des gens qui ont fait graphic design. Il y a le gars de Mexico, justement. C'est une formation mathématique. C'est ça à peu près. Puis c'est ça. Donc on est allé manger dehors sur le bord des quais. Ils se sont organisés une genre de petite bouffe communautaire. Puis après le cours, qui a duré quand même 4 h à sniffer des vapeurs de plomb, on est allé prendre une bière sur le bord de l'eau. Fait que c'est ça. C'était à peu près ça ma journée d'hier. C'était assez sympathique. Donc, comme je vous disais, je vais aller me coucher pour peut-être une petite heure encore. Puis après, je commence Finalement, ce qui va être ma première vraie journée de travail dans le studio, ce que je prévois de faire, c'est de planifier, faire ma planification, ou en tout cas commencer à le faire pour les 3 mois qui commencent. Donc, je vous souhaite un bon matin, un bon après-midi, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter le podcast. Et je vous dis à la prochaine.